Entre le directeur de la Tour Eiffel. Il agite un grand porte-voix. On ferme! On ferme! Il sort. Entre le chasseur. Il se dépêche. Il court jusqu'à l'appareil. Que dit le photographe? Mais où allez-vous? Je veux prendre le dernier train. On ne passe plus. C'est honteux. Je me plaindrai au directeur des chemins de fer. C'est pas ma faute. Tenez, votre train. Le voilà qui part. L'appareil se met en marche vers la gauche, suivi de son soufflet comme de wagons. Par des ouvertures, on voit la noce qui agite des mouchoirs et par-dessous, les pieds qui marchent.